Chapitre 63e, l'instant décisif. C'était un mercredi au beau milieu de l'après-midi. La scène se passait au fond d'une arrière-cour peu engageante. Celle-ci donnait pourtant sur un tout petit établissement connu seulement de quelques habitués. À cette heure-là, le patron, Louis, faisait sa sieste quotidienne avant de se remettre devant les fourneaux pour le service du soir. Sur l'ardoise du jour, il était inscrit « andouillette purée » ou « poulet basquez ». La carte de l'établissement n'était certes guère étoffée, mais la qualité irréprochable. Quand Dutilleul avait sollicité Marie, la patronne de l'établissement, celle-ci n'avait fait aucune difficulté pour ouvrir son arrière-salle à cette étrange réunion. Ensuite, Dutilleul n'avait plus qu'à communiquer le lieu aux différentes participantes. Il s'était chargé lui-même des appels. Fidèle à ses habitudes, Dutilleul était arrivé le premier. Il avait emprunté une petite porte située sur l'arrière de l'établissement. Elle donnait directement sur une jolie salle voûtée, uniquement réservée aux fidèles parmi les fidèles, car elle ne pouvait guère contenir plus de 6 couverts. Comme d'habitude, Marie avait bien fait les choses. Il y avait tout ce qu'il fallait sur la table pour boire un excellent thé. Manquait juste à l'appel la succulente tartatin, la spécialité de la maison. « Ce serait peut-être un peu trop copieux pour un thé, monsieur le commissaire ?» avait dit Marie en riant. « Peut-être que non, » avait répondu Dutilleul, faussement malheureux. « Allons, allons, je vous réserve une part plus que généreuse pour votre prochaine visite, ce qui vous obligera à revenir d'autant plus vite. » Pour l'occasion, Marie avait sorti un joli service, certainement anglais, qui convenait très bien à la circonstance. Dutilleul était assez tendu et ému aussi, mais il ne l'aurait admis pour rien au monde. À présent, en compagnie de Marie, il attendait 4 femmes et il espérait de tout cœur qu'aucune ne ferait faux bond, même s'il savait que pour Marieke van Gunberg, l'heure serait particulièrement délicate. En attendant ses invités, car oui, ils étaient bel et bien ses invités, Dutilleul s'octroya une tasse de thé vert. Le breuvage était bien un peu trop chaud à son goût, mais délicieux. Le thé de Marie était toujours très bon. Josette Roset et Hermine de Vaillac, toujours très élégantes et même un tantinet trop apprêté, se présentèrent les premières. Elles apprécièrent immédiatement le lieu choisi, si discret, et remercièrent chaleureusement Marie de ses bons offices. Même si ce n'était pas la partie la plus difficile, Dutilleul n'en était pas moins un peu soulagé, car les choses se présentaient bien. Le second taxi, au réel soulagement de Dutilleul, ne fut pas loin à s'arrêter devant la ruelle pisseuse. 2 femmes grandes en sortirent, toutes 2 très raides. Marieke van Gunberg portait, comme souvent, des lunettes de soleil, mais quand elle l'aperçut, Josette Roset s'interrompit au beau milieu d'une phrase saisie par l'émotion. Elle avait immédiatement compris qui elle avait enfin en face d'elle. Elle n'éprouvait absolument aucune colère, rien d'autre qu'une infinie reconnaissance. Inconsciente de tout cela, Marieke van Gunberg entra dans le restaurant. Lotte Kepring-Rivet avait choisi pour sa part de se tenir un peu en retrait, car elle savait sans doute mieux que personne que cet instant ne lui appartenait pas. Hermine de Vaillac avait dû penser la même chose, car elle aussi se tenait un peu à l'écart, feignant de s'intéresser au buffet dressé devant elle. Pourtant, du coin de l'œil, Dutilleul pouvait voir qu'elle ne touchait à rien. Tout comme Lotte, elle attendait, se faisant la plus discrète possible. Josette Roset, quant à elle, ne pouvait plus ôter son regard de Marieke van Gunberg. Elle ne pouvait s'empêcher de chercher les points communs entre Marie et cette grande femme qui se sentait encore si coupable malgré les années. Marie avait hérité de sa bouche et de ses très beaux cheveux. Elle savait qu'elle devait trouver une entame de phrase qui mettrait cette pauvre femme en confiance et qui lui redonnerait un peu d'estime de soi. Heureusement, en cette matière, Josette Roset était loin d'être novice. Elle avait déjà vécu bien des situations similaires. Elle ouvrit donc ses bras comme elle avait l'habitude de le faire quand elle avait en face d'elle un enfant particulièrement apeuré, et c'est sur son ton le plus doux qu'elle dit alors « Vous devez être la maman de Marie. Je vous remercie tellement de me l'avoir confiée. » À ses pieds, il y avait une affreuse valise de couleur moutarde. Lorsque les 2 femmes tombèrent dans les bras l'une de l'autre, Dutilleul jugea qu'il était temps pour lui de s'éclipser. Il fit un signe discret à Marie, regagna sa voiture garée un peu plus loin et replongea dans son quotidien. D'autres dossiers l'attendaient. Mars 2006. Après une très longue convalescence, M. Osinmani vient officiellement d'être mis en examen pour le meurtre de Mlle Marion Chardy, survenu le 20 mars 2003. Rappelons que la victime avait été retrouvée morte par sa femme de ménage.